premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à Louis XIV à l'occasion du tricentenaire de sa mort, mais également une semaine qui nous ouvrons avec un livre d'actualité qui vient tout juste de sortir, ou plutôt qui sort cette semaine. Parce que pour commencer cette émission d'aujourd'hui, nous allons suivre le chemin de conquistadors et de frères augustins vers les Philippines de la deuxième moitié du XVIe siècle. Romain Bertrand, qui nous avait régalé il y a 4 ans avec l'histoire à parts égales, nous propose une réflexion sur le long remords de la conquête quand, une fois les armes rangées, il faut gérer à quelques centaines d'hommes l'archipel philippin, un livre qui tente de réconcilier l'approche micro-historique et l'approche de l'histoire globale. Puis en deuxième partie de cette émission, et pour ouvrir cette semaine sur Louis XIV, un ouvrage qui lui aussi prend au contre-pied nos idées reçues sur le grand siècle dans Versailles, une histoire naturelle. Grégory Quenette, pionnier de l'histoire de l'environnement en France, s'attaque à la croyance selon laquelle Versailles serait le prototype même d'une architecture dominant la nature. Nous explique Grégory Quenette, on peut voir la nature non dominée justement par l'homme dans cet espace de Versailles. C'est ce qu'il nous raconte dans ce livre paru aux éditions de La Découverte. Mais auparavant, comme chaque lundi, un nouvel épisode de La Fabrique de la Guerre Froide. Anaïs Quien et Françoise Camard, aujourd'hui, la conquête de Berlin avec l'historien Johan Chapoutot. We must remember that Australia, New Zealand and Canada President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb. I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy. La fabrique de la guerre froide. Après la capitulation de l'Allemagne signée le 8 mai 1945, les alliés soviétiques, britanniques, français et américains occupent le pays. Le 4 juillet 1945, les troupes américaines font leur entrée dans la capitale. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 1945, il est exactement 15h32, et nous venons de pénétrer dans la capitale du Reich, dans le cœur de Berlin. Notre micro est installé sur un trottoir de la Wilhelmstrasse, juste en face de la grande chancellerie, un immense bâtiment en 2 ailes. Je dois vous dire tout de suite que nous avons en face de nous un fantôme de chancellerie. Les murs sont criblés de trous d'obus, tant et si bien que l'on ne pourrait poser la main sur le mur sans rencontrer un trou. Tout ce bâtiment offre un aspect lugubre, comme d'ailleurs la ville tout entière qui n'est, et ceci je vous l'assure, que ruine. Alors d'abord c'est les soviétiques qui arrivent, hein. Ça il faut vraiment le rappeler parce qu'une historiographie de guerre froide et un enseignement de guerre froide de fait aussi très atlantiste a eu tendance un peu à gommer cette réalité-là, que c'est encore une fois l'armée rouge qui a gagné la guerre. Qu'est-ce qui est décidé pour occuper cette Allemagne et quel est le projet finalement de cette occupation quadripartite? Ce que craignaient les Allemands et ce que leur avaient promis les nazis, c'est que la ruine allait se poursuivre jusqu'à l'extinction totale, jusqu'à la destruction totale. Johan Chapoutot. Or on voit que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ni du côté soviétique, ni du côté des alliés occidentaux. C'est-à-dire que, au lieu de raser l'Allemagne et de déporter ou d'exterminer sa population comme les nazis en avaient menacé la population allemande, si jamais les bolcheviks gagnaient la guerre, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que, dans ce paysage de ruines, on va tenter d'administrer la pénurie et de nourrir la population allemande. Parce que du côté soviétique, il est clair qu'il y a une distinction qui est faite entre des élites réactionnaro-bourgeoises, militaro-conservatrices et fascistes, qui sont coupables, et une population allemande qui, par définition, est amendable, sinon bonne. Et de fait, on va faire revenir d'exil les communistes allemands pour leur demander d'administrer la zone, puis la RDA, dans le sens marxiste-léniniste de la création d'un État socialiste. Du point de vue des alliés, que ce soit les soviétiques ou les autres, la population allemande est une population sous tutelle. Tutelle juridique et militaire, l'État n'existe plus, l'occupation est là, et tutelle intellectuelle, culturelle, voire morale. Et ça, c'est pas un fait de conjoncture, selon eux, c'est un fait de structure. Pour eux, les Allemands sont un peuple un peu immature, pas vraiment développé intellectuellement et psychologiquement. Ils se sont donnés, de fait, à une dictature terrible et à un chef. Donc, Ce peuple doit être rééduqué. Ça, c'est clair d'un côté comme de l'autre. Rééduqué dans le sens de l'incorporation de valeurs de la démocratie libérale, de l'économie de marché d'un côté, et tout est fait pour pousser les Allemands dans ce sens-là. Actualités cinématographiques, presse, projections diverses, cours, etc. Toute une littérature se développe également de ce point de vue-là. Et du côté de la zone d'occupation soviétique, c'est évidemment une acculturation en termes de communauté ouvrière et paysanne, solidarité, égalité, possession commune des moyens de production, bref, tout ce qui caractérise le système d'économie et de société socialiste. Et ça, même chose, ça fait l'objet d'une, j'aime pas le mot propagande, mais d'une promotion très intense. Mais les négociations sur le sort de l'Allemagne entre les alliés, au sein de l'ONU, mais pas seulement, au sein de, du Conseil des ministres des Affaires étrangères, ne sont pas si harmonieuses que ça, même du côté des Britanniques, des Américains et des Français, qui pourtant, a priori, sont plutôt dans un bloc commun sur la question du sort de l'Allemagne. Alors, il y a des désaccords entre Britanniques, Français et Américains qui tiennent aux conceptions traditionnelles de l'Europe et du territoire européen que développent ces trois pays. La France, c'était manifeste après la Première Guerre mondiale déjà, les désaccords entre Américains, Britanniques et Français étaient massifs à Versailles. Et c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins massif, c'est un peu moins violent, et puis la France est plus tout à fait dans la même position qu'en 1919, mais ces désaccords subsistent. Du côté français, il y a toujours cette contiguïté territoriale et cette espèce de traumatisme récurrent de l'invasion allemande qui structure la politique française. Du côté britannique, il y a toujours cette idée de l'équilibre européen traditionnel, ça ne bouge pas, ça, qui veut que il ne faut pas affaiblir l'Allemagne trop et puis la garder comme puissance finalement au cœur de l'Europe. Et du côté américain, après une velléité, c'est le plan Morgenthau, de, au fond, détruire l'Allemagne en tant que puissance économique et militaire, il y a un retour très rapide et une forme de pragmatisme, de réalisme politique et économique qui rejoint très vite et très bien les conceptions britanniques. Et d'ailleurs, on voit que les politiques des zones britanniques et américaines sont totalement coordonnées. Les Français restent un peu à part. Cette politique américaine, c'est celle de Londres également, c'est l'équilibre européen et le retour d'une puissance allemande, certes pas militaire, pas politique, mais en tout cas économique et démographique, c'est certain. La spécificité de Berlin, c'est la présence de quatre puissances politiques, de deux superpuissances géopolitiques, et de tout ce que ça implique en termes de relations officielles, officieuses, plus une population de 2, 3, 4 millions d'habitants qui tente de survivre comme elle peut, avec son folklore et sa réalité sordide également, de marché noir, de vol, de survie, de prostitution. Donc tout ça a forgé effectivement l'image d'un gigantesque film d'espionnage couplé à un bas-fond ou un grand bordel à ciel ouvert. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Un épisode de La Fabrique de l'Histoire que vous pouvez évidemment télécharger séparément de toute l'émission pour pouvoir garder avec vous tous les épisodes de cette fabrique de la guerre froide que vous réalisez. Bonjour avec des réalisateurs de La Fabrique de l'Histoire. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour. Et vous êtes avec nous pour interroger nos deux invités de ce matin. Et le premier d'entre eux, c'est Romain Bertrand. Bonjour Romain Bertrand. Bonjour. Merci d'être là pour en avant-première pour la parution à la fin de cette semaine de votre gros livre Le long remords de la conquête. Donc il ne fait pas suite, on pourrait croire que ça pourrait être une suite à l'histoire à parts égales, parce que le principe de base, c'est que l'histoire à parts égales nous racontait cette épopée de quelques bateaux hollandais arrivant à Java à la fin du XVIe siècle. Alors certes, on est à peu près à la même période, mais vous racontiez qu'on pouvait faire une histoire à parts égales parce que ce que les Hollandais croisaient avaient laissé des sources qu'on avait souvent négligées et qu'il fallait regarder ces sources pour voir et faire une histoire parallèle, face à face de ces conquérants et de ces conquis supposés. Là, en l'occurrence, on est aux Philippines et vous n'avez pas la même chance, en l'occurrence. Il n'y a pas autant de documents pour pouvoir dire ce que pensent les Philippins de l'arrivée des Espagnols en 1565. Oui. C'est même une disette documentaire, dites-vous, de ce côté-là. Oui. Et en même temps, c'est un choix. C'est un choix et un pari. qui pour moi poursuit et complète d'une certaine façon le programme à la fois théorique et d'écriture de l'histoire à parts égales, précisément comment faire dans une situation, et elle est relativement exceptionnelle en Asie du Sud-Est et en tout cas en monde malais à cette époque, dans laquelle nous n'avons pas de documentation vernaculaire, locale, autonome, c'est-à-dire qui puisse porter un regard totalement différent de celui que les Espagnols ont porté sur cette société. Alors comment faire et surtout comment ne pas faire ? C'est en fait une part importante du pari d'écriture tient dans la volonté de ne pas trop vite se mettre à la place d'eux et mettre des mots dans la bouche de ces anciens Philippins qui précisément ne nous ont pas légué leurs paroles. Donc c'est déjà une invite ou une exhorte à ne pas aller trop vite en besogne et à faire en sorte que ce silence textuel philippin pèse autant d'une certaine façon dans la balance imaginaire de nos sources que le trop-plein de mots de l'Espagne. Oui, et vous dites qu'il faut cheminer en fait au rythme des acteurs sans chercher à en dire plus qu'ils n'en savaient. Oui, et c'est peut-être là où la question du rapport ou du raccordement entre micro-histoire et histoire globale commence à la fois à prendre tout son sens et puis à nous poser un certain nombre de problèmes techniques. C'est qu'il faut essayer, tant bien que mal, d'entretenir l'effet de situation dans le récit. C'est-à-dire découvrir ce monde ou ces mondes au rythme où les acteurs eux-mêmes, espagnols d'un côté, philippins de l'autre, les ont découverts, arpentés, ont tenté d'en prendre la mesure. Donc d'une certaine manière, ne jamais aller plus vite que ces acteurs. Anaïs Kien. Oui, justement, vous parliez de ces problèmes techniques, Romain Bertrand. Est-ce que finalement cet ouvrage, Le long remords de la conquête, est une réponse peut-être à certaines critiques qui sont nées au moment de la sortie du premier ouvrage, qui affirmait que finalement vous aviez eu cette histoire à parts égales était possible dans le cadre de Java, parce que à cet endroit-là, des archives existaient. Et donc là, vous tentez de montrer que même sans cette profusion d'archives que vous aviez trouvées à Java, c'est possible, y compris avec le silence de la borgne Buc-Buc et de ces sorcières dont on va parler dans quelques instants. Oui, tout à fait. Une critique qui m'a été adressée, ou plutôt que je me suis beaucoup faite à moi-même. Je me suis dit, justement, rétrospectivement, bon, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que, dans une situation documentaire totalement différente, on pourrait ou pas mener le même type d'enquête ? Et puis aussi la question du rapport entre l'histoire globale et l'histoire sociale, qui est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'une critique qui est généralement adressée non seulement à l'histoire globale, mais même à l'histoire connectée, qui taille pourtant beaucoup plus petit ses objets et ses chronologies, c'est précisément qu'elle reste essentiellement une histoire de ceux qui ont beaucoup écrit, c'est-à-dire une histoire intellectuelle, diplomatique, une histoire savante, on pourrait dire, du contact. Était-il possible ou pas, est-il possible ou pas d'injecter un peu, voire beaucoup, d'histoire sociale dans ces enquêtes sur les situations de contact. Ça, c'était un des seconds enjeux de cette recherche. Alors, selon Roman de la Conquête, part d'un texte, un seul texte, et à partir de là, vous déployez, vous dépliez la proposition, un texte qui est en fait un texte de procès, d'interrogatoire, d'un jeune garçon, mais aussi de tous ceux qui sont autour de lui, qui, à un moment donné, justement, 10 ans après le début de la conquête des Philippines par les forces du Royaume d'Espagne, donc venant du Nouveau-Mexique, 10 ans plus tard, donc en 1575, ce jeune garçon a des hallucinations, des rêves, commence à raconter ses rêves et il va être condamné pour simplement avoir raconté ses rêves. Dans une sorte de grand procès, il va être condamné à une peine qui vous a paru de façon et qui nous apparaît absolument inégale, injuste, puisqu'il va être condamné à partir aux galères, et que tout cela parce qu'il a raconté des rêves qui mettaient en jeu, et c'est là le point de départ de votre réflexion, Romain Bertrand, qui mettait en jeu le fragile équilibre de la conquête aux Philippines. Oui, c'est une affaire, c'est un dossier d'inquisition retrouvé dans les archives de l'inquisition de Nouvelle-Espagne à Mexico qui avait autorité sur les Philippines. Et effectivement, nous sommes en 1577, c'est-à-dire une dizaine d'années à peine après l'arrivée des troupes de Miguel López de Legazpi sur l'île de Cebu, 6 ans à peine après la conquête de ce qui va devenir Manille par Juan de Salcedo. Donc finalement, nous sommes véritablement au tout début, au commencement de la conquête, et le gouverneur Francisco Francesco de Sande, qui est un homme du roi, qui est un juriste venu de péninsule, qui a servi à Mexico dans l'audience comme magistrat du roi, à peine arrivé aux Philippines, à peine pris ses fonctions à Manille, entreprend donc de traduire en procès un jeune garçon, Diego de Avila, et puis un certain nombre de gens autour de lui, dont deux sorcières. Un très jeune garçon, et c'est ça en fait qui a d'abord retenu mon attention. Hein, c'est-à-dire que j'avais dépouillé la série des procès d'inquisition philippins à l'Archivo General de la Nation à Mexico, et je m'étais pas tout de suite arrêté sur ce procès. Et puis l'âge de Diego, 11 ans, 11 ans à peine, et puis la sévérité totalement disproportionnée de la sentence, 10 années de galère. Ouais. On survivait rarement plus de 3 ou 4 ans lorsqu'on était un homme d'âge mûr, ouais. Sur les galères du roi. Tout ça m'a fait finalement revenir sur cette affaire, et je me suis rendu compte qu'elle était un formidable point d'entrée dans le monde, ou plutôt dans les mondes sociaux de la conquête, en ce temps des commencements. Alors, vous découpez votre travail de façon très originale, puisque il y a un gros chapitre consacré au gouverneur, il y a un autre gros chapitre consacré aux frères Augustins, il y a un autre chapitre consacré aux sorcières, puisqu'il y a là, dans ces rêves qu'énonce Diego de Avila, un rapport avec des guérisseuses de village qui, d'un seul coup, sont transformées par l'Inquisition en sorcières. Et vous déployez, je disais tout à l'heure, chacun de ces cas pour pouvoir nous expliquer pourquoi les frères Augustins sont arrivés dans cet archipel philippin. Quel est le rapport entre les conquistadors qui viennent juste de conquérir ce territoire et les hommes du roi, comme Monsieur de Sande, le gouverneur, qui lui, évidemment, n'aime pas beaucoup ses conquistadors. Et on voit comme ça se mettre en place des mécanismes sociaux à très peu de personnes. Combien sont-ils en Philippines en 1577 ? À peine 500, d'après le compte du gouverneur Francisco de Sande lui-même, pas plus de 500 hommes dans l'ensemble de l'archipel. Et oui, l'intérêt, c'est effectivement de déployer ou de déplier, à travers l'étude des trajectoires des principaux acteurs du procès, déplier chacun des mondes sociaux qui ont fait la conquête. Et en fait, la conquête, qui prend toujours une majuscule dans les récits d'histoire coloniale officielle, l'idée, c'est d'éroder ou de corroder cette majuscule en montrant que tout ça n'est aussi qu'un amas de querelles, et qui ne sont pas seulement de petites querelles politiques. Alors, il y a la grande bataille sociale entre les conquistadors, les hommes de la conquête, qui ne jurent évidemment que par le fait d'armes, et puis Francisco de Sande, qui est le magistrat du roi, qui arrive pour remettre en ordre la colonie et qui appartient à un tout autre monde de lois et de vélins, pourrait-on dire. Et puis, il y a une autre bataille, qui est aussi une bataille, à mon avis, immensément importante, non seulement pour l'histoire américaine, mais pour l'histoire européenne au XVIe siècle, qui est celle que mène les réguliers des ordres mendiants, et en particulier aux Philippines les Augustins, contre la conquête elle-même. Et dans le temps même où s'accomplit la conquête, et sous la forme d'une série d'abominables exactions, s'élève le cri, la protestation des Augustins qui condamnent ce qui est fait aux Indiens. Anaïs ? Ce qui est étonnant, c'est de voir ces conquérants, ces conquistadors qu'on imagine forts, armés, cuirassés, casqués, dans une telle situation de fragilité, finalement. Notamment des Sande, qui va craindre pour sa réputation, pour la construction de son lignage, pour ce moment où il tente de faire souche, finalement, au sein de l'aristocratie espagnole coloniale, et aussi sur ce nouveau territoire dans lequel on vient à peine de s'installer. Oui, c'est une double fragilité. Il y a d'abord nous sommes en un temps où, de façon générale, l'exercice du gouvernement passe par le conflit avec ceux qui sont dotés de prérogatives qui peuvent être plus ou moins séquentes avec les vôtres. Donc gouverner, c'est véritablement se frayer un chemin à coups d'épaule. Et c'est ce que fait Francisco de Sande par rapport au conseil municipal, par rapport aux Augustins, qui dépendent d'un autre type de juridiction. Il y a une autre fragilité qui est évidemment numérique. 500 Espagnols pour un archipel peuplé de plusieurs millions d'individus. Mais rappelons toujours que la conquête n'est jamais achevée, et que jamais les Espagnols ne détiendront un véritable pouvoir de souveraineté, de juridiction sur l'ensemble des territoires qu'ils revendiquent. Puis il y a une toute dernière fragilité, ou plutôt quelque chose qui nous fait basculer du côté d'une vision des conquistadors comme ayant été pris par les Philippines autant qu'ils ont essayé de les prendre, de les conquérir. Mmh. Ce sont des hommes qui vivent en concubinage avec des femmes locales qui, pour se guérir, en appellent aux devins qui vivent dans les cases de bambou des quartiers pauvres de Manille et qui, d'une certaine manière, sont très rapidement insérés, parfois à leur corps défendant, dans une société qu'ils comprennent mal, qui a sa propre histoire et sa propre historicité, jusqu'au point d'ailleurs où un certain nombre d'entre eux vont être taxés par l'Inquisition d'avoir renié le catholicisme. Et comme dans l'histoire à parts égales, Romain Bertrand, vous insistez bien sur le fait que effectivement, ça n'est pas cette arrivée des Européens et en particulier des Espagnols qui change la donne, mais que cette arrivée des Européens et des Espagnols est insérée dans tout un réseau de relations. Vous, il faut saluer la cartographie au sein de votre livre, parce que ça permet de bien s'y retrouver, une cartographie très précise qui nous conduit en Chine, qui nous explique que quelques mois après la conquête, un pirate chinois est venu avec 2000 hommes pour pouvoir raser ce qui avait été à peine conquis, et qu'on est dans un espace qui n'est pas un espace restreint un face-à-face entre ceux qui sont conquis et ceux qui conquièrent, mais qu'il y a tout autour tout un tas de forces très intéressantes, et les Portugais et les autres. Oui, tout à fait. Et les Espagnols ont une vision extrêmement limitée et tronquée de cet espace des connexions qui relie le monde philippin, alors d'une part au reste du monde malais, à Java, à Sumatra, à Malacca, au sultanat de Brunei, à Bornéo, mais également aux îles Moluques, aux îles Célèbes, qui relie également ce monde philippin donc à la Chine impériale, à la mer de Chine du Sud. Et donc d'une certaine façon, la connexion qui s'établit avec l'Europe, pour le malheur des Philippines, n'est une fois encore qu'une connexion parmi d'autres, et dans un espace de contact au long cours, avec une épaisseur historique tout à fait prodigieuse. Parce que ce christianisme, qui contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'arrive pas par l'Ouest, mais arrive par l'Est, puisqu'ils viennent du Nouveau-Mexique, il combat tout de suite un islam qui vient tout juste d'arriver, expliquez-vous, qui lui est arrivé par l'Ouest. Oui, exactement. Alors c'est aussi pour ça que ce moment est particulièrement intéressant, le moment du procès, 1577, parce qu'on est aux Philippines dans un moment d'islamisation qui a débuté probablement peu de temps avant, dans les années 1540-1550. L'islam conquiert progressivement des segments de l'Isré côtier des îles philippines, essentiellement au sud, hein, à Mindanao, et dans le même temps arrivent les Espagnols avec leur catholicisme, moins triomphant ou triomphal d'ailleurs que déjà rongé par précisément le remords. Et donc on est au point de jonction sur l'île de Cebu et à Manille entre ces deux mouvements, effectivement, de long terme. Anaïs. Alors justement, vous évoquez cette question du remords que vous avez choisi d'ailleurs de mettre dans votre titre. Comment faire l'histoire du remords, Romain Bertrand? Quel est ce remords dont vous parlez? Et c'est toute la question, d'ailleurs je continue personnellement à me la poser, c'est à la fois une ligne de basse thématique de l'ouvrage, puisqu'il est bien question d'un discours de critique de la conquête, et qui s'institue dans le temps même où celle-ci s'accomplit. D'autocritique, pas une critique qui viendrait de l'extérieur. Alors d'autocritique, oui et non, puisque c'est porté essentiellement par les ordres réguliers, lesquels tout de même n'œuvrent pas armes à la main, alors crucifix en main. Ah certes. Bah, oui, enfin vous expliquez quand même qu'un des frères Augustin a suivi et a assisté, juste auparavant, à des massacres, et que ça a peut-être forgé aussi une conviction que ça n'était pas exactement comme ça qu'il fallait procéder. Oui, tout à fait. Il y a même d'ailleurs pire que ça. Il y a Andrés de Urdaneta, qui est la grande figure tutélaire de l'installation des Espagnols aux Philippines, eh bien qui, et ça c'est malheureusement, en tout cas pour les hagiographes un peu moins connus, qui d'une certaine façon blanchit à l'avance les troupes de Legazpi de leurs exactions. Donc oui, il y a une compromission, bien sûr. Les Augustins n'échappent pas à la loi de violence de la conquête. Ils en bénéficient d'ailleurs, puisque leurs possessions sont directement liées à la dépossession des sociétés locales, à la dépossession foncière des sociétés locales. Mais donc ce remords, c'est à la fois ce que traque et ce qui habite un certain nombre des acteurs de ce moment historique. Et puis ça renvoie à la façon dont nous souhaitons ou pas, aujourd'hui, nous, contemporains, faire notre cette histoire. Voilà. C'est-à-dire que lorsque j'écris notre remords, c'est celui que je me choisis. Je me choisis ce remords pour l'un des passés pertinents possibles d'une identité européenne. Mais à chacun, par ailleurs, de vouloir ou pas se faire le porteur, ou en tout cas le légataire de cette histoire. Anaïs Quin. Alors peut-être qu'il nous reste quelques minutes, peut-être qu'il faut revenir quand même sur ce grand silence que vous faites pourtant s'exprimer avec vigueur dans cet ouvrage, Romain Bertrand, celui des indigènes, des autochtones, sur lequel vous n'avez à rien. Vous parlez de rôle sans texte pour ces sorcières qui seront condamnées avec ce jeune garçon, Diego, ces sorcières nommées comme cela par l'inquisition. Ignace et Béatrice. Mais par ces jeunes femmes plutôt, ainsi que quelques personnages dans leur entourage. Je parlais de la borgne Buc-Buc tout à l'heure. Mais justement, comment les faire parler? Alors justement, on évite de les faire parler. D'abord, on a certaines de leurs paroles, mais évidemment recueillies dans une situation telle qu'il est difficile de leur accorder plein crédit, puisque c'est sous la torture, tout de même, qu'elles vont témoigner et que leurs paroles vont être consignées. Et c'est d'ailleurs un des grands bonheurs qu'on a l'impression d'entrevoir dans cet ouvrage. À la fin, vous avez la sensation d'avoir saisi quelques instants de vérité dans ces témoignages. Oui, alors bonheur, oui et non. Enfin, c'est tout de même, c'est une archive difficile. Hein. Et, le récit de la torture au garrot est assez violent, y compris pour celui qui simplement retranscrit. Je ne parlais pas de bonheur à la lecture de l'article. Est-ce que vous en tiriez à la fin? Oui. Oui, alors, c'est-à-dire que, évidemment, Inès et Béatrice, pour commencer, ce sont des prénoms de baptême conférés par les Espagnols à deux jeunes indiennes de Cebu, dont nous ne connaissons pas même les prénoms, pourrait-on dire, originels. Oui, vous dites que les mots de l'Espagne maculent les mots de ces femmes d'un enduit indélébile qui empêche à jamais leur voix de percer. Oui, tout à fait. Mais même si nous ne pouvons pas retrouver la voix de ces deux femmes, ce que nous pouvons commencer à faire, c'est à reconstituer par petites touches, doucement et avec précaution, le monde dont elles sont issues. Et là, nous avons quand même quelques petites choses, des vestiges archéologiques, des textes du monde malais, contemporain, etc. Mais disons qu'on rentre dans un régime de narration ou d'histoire qui est beaucoup plus probabiliste. Et indirect d'une certaine façon. Et indirect, oui, tout à fait. Vous citez par exemple le cas de l'interrogatoire de ces femmes, et l'une d'entre elles dit, bien, voilà, j'étais avec un tango-tango, et alors le tango-tango, on lui demande de traduire, et on traduit en fait que c'est un fruit du diable, enfin que c'est une facture du diable, c'est ça. Et en fait, on découvre en lisant un voyageur que le tangan-tangan est une figue du diable, c'est comme ça, et ça n'est pas la figure du diable qu'elle transportait avec elle. Donc on voit bien effectivement tous ces malentendus qui sont dus à ce moment de la rencontre. Oui, tout à fait. Il s'agit très probablement, tout simplement et très malheureusement, d'une bourde d'interprètes. C'est que la higuera del diablo, la figue du diable, qui est un petit arbuste, se trouve transformée en figura del diablo, c'est-à-dire en figurine du diable, c'est-à-dire en maléfice. Mais un procès d'inquisition, ce n'est finalement que cela. Et c'est du malentendu. Ces deux jeunes femmes, qui ne sont probablement au départ que des servantes opprimées, le cas échéant même harcelées sexuellement par l'encomendero, dont elles sont les esclaves, et qui ne sont d'ailleurs au départ aussi probablement que les détentrices de savoirs locaux, de savoirs de village, de savoirs de guérisseuses, sont peu à peu, dans le temps même du procès, grimées par les pouvoirs en sorcières, à coquiner au diable, pratiquant le sabbat, cherchant à détruire l'église, etc. Et tout ça passe à la fois par de tout petits glissements sémantiques, qu'il faut savoir traquer, déceler et expliciter, et puis tout cela aussi prend place sur fond de ces immenses processus sociaux et politiques dont le procès est à la fois la trace et on pourrait dire l'indice qui n'aurait pas dû subsister. Merci Romain Bertrand, on en saura beaucoup plus en lisant votre long roman de la conquête paru au Seuil. Il sort cette semaine, donc ce livre très important qui, il faut le noter, est doté d'une très belle cartographie, je l'ai dit, d'une belle aussi bibliographie et surtout d'un appareil de notes absolument extraordinaire, puisque vous dites qu'en fait ce que vous cherchez c'est de montrer les engrenages et les échafaudages de votre travail, une sorte de chantier à ciel ouvert où volent la sciure et les copeaux, et c'est effectivement ce que l'on décèle en lisant ce long roman de la conquête. Merci Romain Bertrand. Mais il est possible de lire sans les notes. Bien sûr. Il y a, je crois, 200 ou 300 pages de notes, mais elles sont à la fin de cet ouvrage et elles permettent effectivement de se replacer dans le travail du chercheur que vous êtes. morceau très étonnant, daté de 1737 et trouvé par notre réalisatrice Anne Fleury. Le ballet, la musique du ballet Les Éléments de Jean-Ferry Rebel qui raconte le chaos. Et vous avez vu combien ce chaos musical était très étrange pour le XVIIIe siècle tel qu'on l'imagine. Bonjour Grégory Quenette. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour ouvrir notre semaine consacrée au siècle de Louis XIV. Demain nous parlerons de la mort du roi. Et vous, vous avez consacré un très beau livre aux éditions de La Découverte à Versailles. En prenant un contre-pied, un peu comme vient de le faire quelqu'un de votre génération qui était juste avant vous, Romain Bertrand, des idées reçues, là, sur l'idée que Versailles serait le prototype même de l'état d'architecture et de culture qui s'impose à la nature. Et vous, vous partez du principe que cette nature, elle est tout le temps présente, elle est tout le temps là, et qu'il y a négociation permanente dans ce lieu de Versailles entre, justement, cette architecture magnifique et la nature alentour. Je cherchais un grand objet pour tester les hypothèses de l'histoire environnementale, qui est finalement, lorsqu'on rematérialise la compréhension de l'histoire, en considérant que les animaux, les nuages, les formes du relief ne sont pas simplement un cadre. Un décor pour l'histoire des hommes, et qu'on leur donne une capacité d'action, et bien est-ce que cela change la compréhension. Et quel objet, il n'y a pas d'objet plus magnifique que celui-ci, qui est justement le comble, hein, l'archétype de cette domination de la nature, cette idée qu'en France, la nature ne serait belle que lorsqu'elle est géométrisée, hiérarchisée, rationalisée, voire même, dit la légende de Versailles, Louis XIV aurait choisi presque volontairement ce lieu si ingrat pour mieux montrer son pouvoir. Et bien entendu, c'est un anachronisme. Oui, et donc vous tissez très lentement, vous avancez dans les bois de Versailles, dans les alentours, dans ces fermes, dans ce domaine énorme de plus de 8000 hectares qui est composé pour le roi. Vous avancez à l'intérieur de ce domaine en traquant les rigoles, les chemins creux, les maisons qui préexistent même à cet endroit-là. Il y a d'ailleurs un nom, on appelle ça les villages enfermés dans le Grand Parc. Et pour dire, il y avait de la vie, il y avait de la vie avant. Cette villa n'a pas été entièrement muselée par le parc de Versailles et le château de Versailles. Au contraire, essayons de la regarder de plus près. Versailles est un assemblage en fait très particulier si on compare aux autres parcs de chasse. Toutes les demeures royales ont un parc de chasse. C'est un assemblage très particulier dans la mesure où c'est un parc de chasse de 8000 puis 15000 hectares à la veille de la Révolution française dans lequel des hommes vivent. En fait, 8 villages, les villages enfermés, 4000 personnes. Et donc, il y a un problème de coexistence, les deux tiers des terres étant occupées par des cultures et non pas par des bois, une forêt d'origine médiévale. Et bien évidemment, c'est un problème écologique qui est très étonnant par rapport à d'autres lieux. Et ajoutons qu'il faut en plus inventer un lieu où le roi puisse chasser au même endroit 3 fois par semaine, alors qu'auparavant, il se déplaçait de résidence en résidence et avait finalement une emprise qui était sans limite, sauf dans le temps. Mmh. Anaïs Kia. Et tous ces hommes et cette cour qui se sédentarise à cet endroit rejettent aussi de nombreux déchets et créent sinon des conflits avec la nature et avec la bactériologie, des conflits également avec ces habitants des villages enfermés. Ouais. Deux mots, rejet, puisqu'effectivement l'histoire environnementale c'est une analyse des flux, mais dans les deux sens. Et c'est la question des eaux par exemple, il faut apporter des eaux, mais aussi les eaux servent à rejeter tous les déchets, et c'est pour cela qu'on le sait bien depuis Alain Corbin, Versailles est aussi une histoire de puanteur incessante. Et d'autre part, la question des conflits, puisqu'effectivement, il s'agit vraiment de considérer que les rapports entre les hommes et leur environnement ne sont pas des rapports harmonieux, équilibrés, mais ce sont des rapports de force, d'impact. Et effectivement, Versailles est un territoire qui, loin de l'image irénique que l'on a aujourd'hui quand on le visite, est un territoire finalement parcouru par les violences environnementales et par des inégalités qui vont croissantes. Alors, vous expliquez qu'il y a des problèmes avec les lapins, qu'il y a des problèmes avec les rats, qu'il y a des problèmes avec les corneilles, avec les pies, avec les loups. Et là, vous nous expliquez que, en fait, le moment de construction de Versailles correspond quasiment au moment même où on éradique définitivement le loup de l'Île-de-France. Un travail lent et patient de la famille royale pour éliminer ces loups. Et alors après, évidemment, plus de loups, beaucoup plus de gibier. Oui. Le problème des sources était finalement assez similaire qu'a rencontré Romain Bertrand, différent par d'autres aspects aussi. C'est celui du silence qui obligeait à passer par certains biais. Et une grande question se posait finalement, c'est comment a évolué le nombre des animaux dans le temps? Est-ce qu'on peut distinguer différentes phases et trouver des éléments d'explication à ces variations? Et le temps Louis XIV est un temps d'abondance d'animaux. Et l'hypothèse que je fais et que j'étaye, c'est que finalement cette abondance est due à la disparition progressive du loup qui crée ce qu'on appelle une cascade trophique, c'est-à-dire la disparition d'un prédateur. Une cascade trophique. Voilà, une cascade trophique, c'est un concept d'écologie. C'est-à-dire que la disparition du prédateur, c'est-à-dire juste même un loup sur un vaste territoire suffit, disparition du prédateur à travers ses odeurs, ses urines, eh bien modifie le comportement de son espèce proie qui du coup intensifie son prélèvement en nourriture et voit son nombre exploser. C'est quelque chose qu'on connaît bien pour le Yellowstone. À partir de 1972, lorsque le loup est éradiqué, le nombre de cerfs de biche explose et le nombre de bisons s'effondre, puisqu'ils mangent la même chose. Et vous montrez aussi, Grégory Connette, comment les hommes, et notamment cet homme au pouvoir réputé si autoritaire, Louis XIV, va négocier avec la nature. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à imposer non plus, sans réflexion et sans négociation, des mesures contre nature, justement, et cette négociation est aussi le cœur de votre ouvrage. Une des difficultés que l'on a sur cette période, c'est qu'il y a le poids de cette théorie du grand partage, c'est-à-dire que ce serait le moment où toute nature et culture auraient été séparées, grâce à la mise en science de la nature, à sa mathématisation. Or, lorsque l'on regarde les sources, on regarde Louis XIV, et bien ses cadres d'analyse sont très différents. En fait, pour lui, il y a une continuité absolue entre ce jardin géométrique, ce petit parc de 900 hectares et puis ce parc de chasse. Son palais est plein d'animaux, de chiens, il y a des chevaux, il y a des rejets, etc. Et donc finalement, il y a une pratique de la nature qui est une pratique de négociation en réalité. Et aussi parce que l'État étant, comme souvent français, fort au sommet, faible à la base, eh bien derrière ce discours inflexible et ces peines pédagogiques de galères ou de personnes marquées au fer rouge, eh bien en réalité, on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Oui, enfin, on n'aurait pas voulu être à la place de Guillaume de Lavarde, par exemple, ou de Jean Bernard, qui est envoyé aux galères pour avoir volé des tuyaux de plomb à Marly, parce qu'évidemment, en volant les tuyaux de plomb, eh bien, on empêche la fontaine de Marly et l'eau d'arriver à Versailles, et les grandes eaux ne peuvent pas avoir lieu. C'est quand même un peu dur, quand même, ce qui leur arrive, parce que c'est une négociation, c'est une négociation qui tourne à l'avantage du plus puissant, en l'occurrence. Oui, mais de toute façon, Marly ne fonctionnait pas si bien que ça. c'est ce qu'on comprend en vous lisant. Grégory. Si on suit Michel Foucault, c'est la vertu pédagogique de la peine qui permet d'éviter, finalement, une pratique plus dure rapportée à tout le monde. Quand on regarde la forêt de Windsor au même moment, dans les années 1730, c'est infiniment plus sévère pour les paysans. Oui, vous expliquez d'ailleurs que dans la forêt de Windsor, il y a même les Blacks, je connaissais pas cette histoire, qui se révolte à partir de 1720 et qui tue des cerfs, qui molestent les gardes forestiers de la forêt de Windsor parce qu'ils en ont assez justement de ce prélèvement et des contraintes que ce plaisir de la chasse pour les plus puissants fait peser sur les moins puissants justement. Ce sont deux problèmes finalement assez proches, Windsor étudié par E.P. Thompson et Versailles, qui sont la manière dont la croissance des villes, la croissance des usages fait qu'il y a une compétition de plus en plus forte pour privatiser les ressources, pour accéder aux ressources de nature. La solution classique, c'est de les privatiser, c'est le principe du parc de chasse, et donc dans ces deux cas, il y a bien, on exclut les usages locaux, ce qui se traduit par des conflits de plus en plus importants. La différence finalement entre l'Angleterre et la France, c'est que l'Angleterre dessine un modèle de privatisation qui passe vraiment par le marché, finalement, où le roi n'est qu'un seigneur, un propriétaire parmi d'autres, ce qui donne une pratique assez inflexible, tandis que la monarchie française est tiraillée entre la figure d'un propriétaire, c'est un domaine presque de droit privé Versailles, et d'autre part celui qui reste le roi, c'est-à-dire qu'il doit respecter certains privilèges, certains usages, qui doit être le roi nourricier, et qui ne peut pas tout faire, effectivement. Anaïs. Qui ne peut pas tout faire et qui va s'entourer de compétences. On voit aussi apparaître tout un peuple de techniciens, d'experts, de chimistes, de médecins, de spécialistes, de jardiniers qui peuplent aussi ce territoire de Versailles. Voilà. Si Versailles n'a pas été un centre de production de la science, puisque tout se passe à l'Académie des sciences, elle a été un espace de mise en pratique finalement de formes d'expertise et d'intervention. Effectivement, il y a tout un ensemble d'acteurs dont certains sont fascinants puisqu'ils finalement ils sont confrontés à quelque chose qui ne marche jamais bien et qui leur échappe toujours. Et donc il y a le pauvre Gravois, inspecteur des eaux, qui passe son temps à faire des cartes, à faire des inspections, et dire que ça fuite partout et qu'il faut un cheval de plus parce que son précédent va mourir à la tâche, qu'il faut des inspecteurs en plus. On a aussi des inventeurs, on invente aussi pour des outils topographiques pour pouvoir bien mesurer le territoire et pour pouvoir justement tirer parti de quelques mètres de dénivelé pour pouvoir faire arriver les eaux jusqu'à Versailles. Enfin, ça aussi, c'est aussi une des grandes inventions de ce moment-là. Oui, c'est quelque chose qu'on connaissait très bien par les historiens des techniques. Hein. C'est l'invention de la lunette de visée par l'abbé Picard qui permet finalement de mesurer les hauteurs de manière extrêmement fine et donc se construire ce réseau gigantesque, 150 km de rigole, finalement, en utilisant les propriétés matérielles de l'eau, c'est-à-dire s'écouler le long d'une pente. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pour nourrir ces rigoles, on va faire des étangs. Pour faire ces étangs, on va exproprier à Trappes ou ailleurs tout un tas de propriétaires terriens qui, là, faisaient de quoi survivre d'une certaine façon. Et on va là aussi devoir négocier, devoir discuter avec ces propriétaires terriens qui ne veulent pas entretenir les rigoles et on va les menacer parce qu'ils ne veulent pas entretenir les rigoles, qui ne veulent pas faire attention aux berges des étangs, et etc., etc. Oui, Louis XIV crée d'ailleurs une police particulière, les gardes rigoles, qui sont chargés de surveiller le réseau des eaux. Et c'est une question que j'avais pour tester les hypothèses de l'histoire des sciences. C'est finalement, quand on regarde, lorsque l'on sort du laboratoire et que l'on utilise ces outils, finalement, est-ce que cet espace des réseaux techniques se superpose-t-il si bien à l'espace social? Eh bien, en fait, non. En réalité, les deux ne se superposent pas. Et il faut imaginer 150 km de rigoles, de canaux, qui coupent les champs, qui perturbent les usages, ajouter à cela ce mur qui fait 40 km de long, percé de 24 portes. Et donc, finalement, la sortie du laboratoire ne se passe pas si bien. Et l'on retrouve cette idée centrale qui est, encore une fois, celle des rapports de force, oui, qui permet de repolitiser la nature, en fait. Toute la question du social que vous qui parcourt entièrement votre travail et vous dites quand même que, parce que c'est aussi un manifeste pour cette histoire environnementale dont vous êtes un des grands représentants en France, Grégory Quenette, que vous vous étonnez que vos prédécesseurs, y compris des très grands prédécesseurs en histoire, n'aient pas vu cela, ou n'aient pas voulu le voir. Vous citez le très grand Bernard Le Petit, élève lui-même du très grand Pierre Goubert, et vous dites, c'est curieux, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait toute cette question de relation avec la nature. Ils sont partis sur ces chemins d'une idée que le château s'était plaqué sur la nature, c'était la domination de la nature par l'homme, et point barre. Versailles est un objet écrasant. Hein. Si on regarde d'ailleurs même la ville aujourd'hui, elle est en quelque sorte minéralisée. Vous enseignez à Versailles 50 ans en Yvelines, c'est encore plus écrasant. En fait, en réalité, à 50 ans en Yvelines, donc je suis un peu moins écrasé. mais cet objet écrasant qui a cette capacité de séduction, puisque c'est à la fois un lieu du pouvoir et un lieu qui dit le pouvoir. Donc ce qui explique cela. Mais en même temps, il y avait, c'est une des choses que je montre, une tradition d'histoire sociale, hein, issue d'histoire sociale de la Révolution française, autour de figures comme Mathias, qui avait déjà, en fait, soulevé ces choses-là. Voilà. La différence, c'est le moment, finalement, où on considère que l'on est face à une question strictement juridique, qui est celle de la propriété, et le moment où on bascule de là en disant, ce n'est pas simplement une question de propriété, la question, c'est la manière dont, c'est le nombre des animaux, la manière dont ils se reproduisent, ce qu'ils mangent, et donc les lapins, c'est aussi combien de lapins. Oui, parce que, par exemple, prenons ce cas des lapins qui est assez extraordinaire. À un moment, on en a besoin de ces lapins, et puis à un moment, on n'en a plus besoin, il y en a trop. Donc la question, c'est la régulation. Mais comment réguler une population de lapins dans un parc aussi grand de 8000 hectares? On ne sait pas très bien, et on tente à certains moments de faire en sorte qu'il n'y en ait plus du tout. Mais s'il n'y en a plus du tout, c'est pas très bon non plus. Donc il faut jouer avec un réglage très fin, comme on dirait aujourd'hui, et ça ne marche pas tout le temps. D'autant plus que l'éradication des lapins est affirmée, donc ceux qui ont remporté aux enchères le marché, eh bien, s'ils éradiquent tous les lapins, ils ne gagnent plus d'argent. Ils n'ont plus rien à gagner. Et en même temps, s'ils n'en tuent pas assez, il y a des plaintes et ils perdent le marché. Donc c'est un subtil équilibre, assez de lapins. Anaïs Quien. Oui, Grégory Quenette, vous proposez une histoire environnementale de la France, évidemment, mais par là aussi, vous proposez une histoire globale, une véritable histoire globale, c'est-à-dire pas une histoire qui s'étendrait uniquement sur la surface du globe, comme on l'a vu avec vous, Romain Bertrand, tout à l'heure, mais aussi une histoire qui prend en compte absolument tous les milieux et toutes les populations dont s'occuperait cette histoire. C'est peut-être un des petits regrets que j'ai par rapport à ce livre. J'avais l'intention d'avoir une perspective plus globale avec la circulation des plantes. Il y a des types de moules qu'on retrouve dans les réservoirs qui viennent d'Amérique. Il y a un rat musqué qui résulte du croisement d'un rat exotique avec les espèces locales lorsque, après partir de la Révolution française, leurs animaux s'échappent. En tout cas, j'avais effectivement, et c'est quelque chose que je souhaite faire par la suite, c'est montrer comment cette histoire environnementale, qui est une histoire des flux, eh bien, évidemment, décloisonne les frontières de la France, même si la figure de la nation est aussi une figure centrale, finalement. Je crois qu'il faut interroger la nation dans cette dimension connectée, mais la nation dans la mesure où c'est le cadre dans lequel on a construit des outils de gestion de la nature. Mmh. Donc elle reste là, finalement, fortement. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a, dans cette histoire de l'environnemental de la France qu'il faudrait écrire un jour, collectivement, eh bien, c'est une histoire profondément connectée. Mmh. Il y a une question qui je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Vous y répondez, mais j'ai pas très bien compris. C'est comment, une fois que le domaine est abandonné, eh bien le gibier disparaît lui-même. C'est-à-dire que on a sous Louis XIV 189 251 pièces de gibier qui sont abattues par Louis XIV entre 1674 et 1687, ce qui est pas mal. Et 1274 serres, dont 1274 serres. Et vous dites une fois qu'on abandonne au moment de la régence le territoire versaillais avant d'y revenir plus tard, eh bien, d'un seul coup on s'aperçoit que les pièces de gibier disparaissent elles-mêmes. Est-ce que c'est parce que c'est mal entretenu, parce qu'il y a des trous dans la clôture et qu'ils peuvent s'échapper? Comment ça se passe? C'est la conséquence de cette cascade trophique, dans la mesure où le couvert végétal est profondément dégradé. Et donc finalement, les animaux eux-mêmes ne trouvent plus la nourriture dont ils ont besoin. Et puisqu'il y a cette deuxième cascade trophique qui est l'explosion du nombre de lapins, due à l'éradication des cerfs, des belettes, des furets. Mais ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que si on supprime les nuisibles, ce qu'on appelle la catégorie qu'on crée, qui est cette catégorie des nuisibles, eh bien on va avoir forcément trop de lapins. Donc on est un peu coincé. On en supprime les uns, mais les autres vont proliférer. C'est assez difficile finalement à imaginer ce que ça représente sur un paysage, mais ce sont des choses qui sont bien documentées pour des îles australiennes et Nouvelle-Zélande, les îles Macquarie par exemple, et vous avez à quelques années de distance les échelons des parcs aujourd'hui avec l'éradication des rats ou des lapins, et vous voyez à quel point le paysage est profondément transformé. C'est un outil mécanique qui est absolument colossal. Il faut voir les photos pour s'en rendre compte. Et donc, après Louis XIV, moins de gibier, mais tout de même Louis XV va remettre ses pénates à Versailles. Et au bout du compte, là aussi, il va pouvoir continuer les grandes chasses que faisait son prédécesseur. Oui, et en inventant un socio-écosystème très particulier dans les années 1740, c'est-à-dire c'est encourager la présence des hommes, encourager la mise en culture, en louant les terres à 20% du prix habituel du marché, pour que de ce fait, cela enrichisse la nature elle-même. Une dernière question, Anaïs Quin. Oui, Romain Bertrand, est-ce qu'on sait quel a été le climat de Manille en 1577 au moment de ce procès de Diego et de ses comparses? Alors le climat, on peut assez facilement le reconstituer puisque la mousson existait déjà. En revanche, ce qui est très dur de reconstituer, c'est précisément le paysage de la conquête, sa nature. Et l'histoire environnementale a des outils d'analyse régressive à partir de stocks d'espèces présumées endémiques pour certaines, mais c'est très compliqué. Ce qu'on connaît le moins finalement dans la conquête, c'est sa nature. Merci à tous les deux. Merci à vous, Grégory Quenette, qu'on vient d'entendre autour de votre livre Versailles, une histoire naturelle aux éditions de la Découverte, qu'il faut vraiment lire quand on s'intéresse à ces questions justement d'histoire environnementale. Et à vous, Romain Bertrand, Le long remords de la conquête, ça paraît cette semaine aux éditions du Seuil. Nous continuons toute cette semaine notre travail autour de Louis XIV pour poursuivre cette réflexion entamée par Grégory Quenette. Et demain, nous vous proposons un documentaire autour de la mort du roi, un petit extrait de ce documentaire, c'est la voix de l'historien Joël Cornette. Bien sûr, on a joué le jeu de la cérémonialisation extrême de la représentation dernière du roi. Le roi est mort, vive le roi. Mais déjà la vie est ailleurs. Versailles, d'ailleurs, c'est vidé. Versailles, c'est comme une sorte de cage, une volière dont tous les étourneaux auraient disparu. Une volière vide. Le roi a disparu et donc Versailles n'a plus aucune légitimité. D'ailleurs, notez qu'au moment de la mort exacte du roi, la première chose qu'ont fait tous les valets, c'est d'arrêter toutes les horloges à l'heure précise, 8h15 ou 8h20 du matin du 1er septembre 1715. C'est comme si la mort du roi des abeilles, si je puis dire, faisait que toute la ruche s'arrêtait brutalement et que Versailles était vidé de sa propre légitimité. Voilà un extrait du documentaire de demain autour de la mort du roi avec les analyses de Béatrix Saul, Alexandre Maral, Stanis Pérez, Gérard Sabatier et Joël Cornette. Tout ce que cette mort a pu provoquer, mais également tout ce qu'elle a déclenché au moment même où elle a eu lieu, à la fois à Versailles, à Saint-Denis et dans le Royaume de France. Nous poursuivrons la semaine en nous intéressant à la question de l'éducation au grand siècle et on terminera avec un hommage à un grand historien, Anaïs Kien. Eh ben oui, Goubert, dont vous parliez tout à l'heure, voilà. Emmanuel Laurentin. L'hommage à Goubert, donc, et pour savoir qu'est-ce qu'il reste encore de cette œuvre de celui qui a été si célèbre, entre autres pour Louis XIV et 20 millions de Français. Cette émission, comme toutes les autres, a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Élise Leheu était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.